Génération drogue et violence, où l'injustice est vie en permanence. Rendez-vous au carrefour de la délivrance. Pour mon excellence, j'avance sous pression, avec pour objectif percer seul face à moi-même. Je cherche la réponse à tous mes problèmes, mais pas de porte de sortie. Condamné à ne pas pouvoir se révéler. Plus j'écris et ça devient facile de m'exprimer. Être réprimé si chien qui veulent me voir couler. Prêt à combattre pour mes idées. Trop fois M6, c'est à l'abri. Mais papa, c'est la thérapie pour ta maladie. Fâché au talent caché, le compte à rebours est déclenché. Au fond, la sanction j'inflige et stabilise mon entreprise. L'occasion de prendre mes marques et de savoir où je vais. À l'intersection de la rime dédicace à CRS, anti-CRS. Chaque jour, plus de vautours te tournent autour. Tant de jaloux sont prêts à t'arracher la joue. Alors, frérot, protège ton don. Les tireurs sont à chaque fois isolés. À chaque fois isolés. Génération drogue et violence. Mon régiment vote pour la résistance. Là où l'injustice sévit en permanence. Metteur et clérical, tu gardes scène pour vous satisfaire. Baba, Peter Cole en combinaison. Génération drogue et violence. Mon régiment vote pour la résistance. Là où l'injustice sévit en permanence. Metteur et clérical, tu gardes scène pour vous satisfaire. Baba, Peter Cole en combinaison. Résidence, ghetto, bad trip, résistance. Tape dans le mille, trempe dans le mal pour tromper l'ennui. Creuse nos crânes pour rappeler nos vies. Les crimes se propagent pendant que nos cerveaux crame, crame, crame. Nos neurones fumés jusqu'au filtre crash. Qu'on vit là où on crèche par les narines. Mentalité béton, bâton et maton. Crevé sur un bête de bite si rien n'aboutit. Certains marchent, d'autres titubent. C'est le crash, ceci d'attitude. Trébuchent sur leur certitude. Aucun fan, aucun potin. Non, rap profane, anti-prime. Mon fun est dans le potin. Le rap est de 9-5 RG. Vague trop rapide, pardon perdant. Dernier voyage avant la noyade. Caisse vide, coupe le son. Autocensure, street est censé rendre le pouvoir aux pauvres pourvoir. Baisser la déprime. Élevé à la poisse, j'élimine vos rimes coupées à la pisse. Moi je suis un doigt dans un œil, un bug dans le système, les chiens à bois, moi je te croque si je t'aime. Génération drogue et violence. Mon régiment vote pour la résistance. Là où l'injustice sévit en permanence. Metteur et clérical, tu gardes scène pour vous satisfaire. Baba, Peter Cole en combinaison. Génération drogue et violence. Mon régiment vote pour la résistance. Là où l'injustice sévit en permanence. Metteur et clérical, tu gardes scène pour vous satisfaire. Baba, Peter Cole en combinaison. Acte de trahison, entre les deals et le sang. Beaucoup trop d'ambition, la rage me domine. Envie des mamines, plus de moyens pour ces policiers. Mais ces associations en premier plan, en manque de moyens baissent les bras. Face à la recrudescence de la violence, faudrait s'interroger, au pire tuer les bons parleurs. Parler de violence, lorsque l'on en vient à distance. Qualifier l'adolescent qui vole parce qu'il n'a pas été buté avec des tournes des milliards. Le rap fait une erreur, qualifié en tant que voleur. En tant que receleur, ses papas s'installent le comité de brailleurs. Broyeurs, cherche pas ici à pas d'employeur. Paris dans 9-5, ça pète ici comme ailleurs. D'ailleurs, cite ces putes et serre à l'heure. Que je remette ces putains de pendules à l'heure. Flotte malfaiteur, cela à toute heure. Mon crew, le 95e régiment. Je manie le RAP. Et je sais que l'impact dans les packs, c'est imminent. Impact dans les packs, c'est imminent.